Bonjour tout le monde. Chapitre 4, questions orales. Listen carefully to the oral questions. There will be 20 of them. 20 answers will be offered. On the test, the questions and the answers you will get will be very close to the ones you're listening to. Bon courage. Écoutez bien. 1. À votre avis, Oprah est calme ou nerveuse? Elle est calme. 2. Elle est gentille ou méchante? Elle est très gentille. 3. Elle est paresseuse ou travailleuse? Elle est très travailleuse. 4. Et vous, généralement, vous êtes souvent travailleur ou travailleuse? Moi, je suis toujours travailleuse. 5. Êtes-vous rarement gentil? Je suis quelquefois gentille. D'habitude, qu'est-ce que vous portez? That's 6. D'habitude, qu'est-ce que vous portez? Dans la classe, je porte souvent un joli t-shirt noir, simple, un beau pantalon blanc chic et de petites chaussures noires confortables. Let me repeat this one. Dans la classe, je porte souvent un joli t-shirt noir simple, un beau pantalon blanc chic et de petites chaussures noires confortables. Quelle couleur adorez-vous? J'adore le bleu. 8. Quelle couleur détestez-vous? Oh, je déteste le jaune. 9. De quelle couleur sont vos yeux? J'ai les yeux bleus. 10. De quelle couleur sont vos cheveux? J'ai les cheveux blonds. 11. Vous préférez ce sac vert ou cette veste bleue? Je préfère cette veste bleue. 12. Comment trouvez-vous cet étudiant? Cet étudiant est très sympathique. 13. À la maison, est-ce que tu fais la cuisine? Oui, et je fais très bien la cuisine. 14. Qui fait le ménage? Mon père fait le ménage. 15. Et qui fait les courses? Mes parents font les courses. 16. Fais-tu toujours tes devoirs? Oui, je fais mes devoirs la semaine, mais je ne fais pas mes devoirs le week-end. Je suis un peu paresseuse. Let me repeat that one. Fais-tu toujours tes devoirs? Oui, je fais mes devoirs la semaine, mais je ne fais pas mes devoirs le week-end. Je suis un peu paresseuse. 17. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je voudrais être artiste. À quelle heure est-ce que tu es dans la classe de français? Je suis dans la classe de français à 7h30. 19. Qui est sympathique dans la classe? Mon partenaire est sympathique. Last one. 20. Que fais-tu le week-end? Je fais souvent une promenade. And that's a wrap for the oral questions. À bientôt!